Le cours pour les participants à la 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée a eu lieu le 28 courant à Pyongyang. Il a traité les problèmes pour étudier profondément l'idée et le contenu principaux de la lettre de portée historique du maréchal Kim Jong-un et renforcer la Fédération générale des syndicats en organisation politique de masse de la classe ouvrière fidèle au parti et en organisation militante pour l'accomplissement de l'œuvre révolutionnaire du Tse.